Ne dis rien à personne. Non, non, non, non. Ne dis à personne tout ce que je te dis, ce n'est que rêve. Pour être un homme, ça veut dire être aigri, fumer sans arrêt. Ne dis à personne tout ce que je t'écris, ce n'est que rêve. Pourtant, être un homme, c'est bien plus que ça, je le sais. J'affiche de bad boy, de séducteur toujours au contrôle. Mais si tu es disposé à ne rien ébruiter, j'offrirai à tes sens les mots doux que j'entasse au fond de moi. Mais s'il te plaît, ne dis à personne tout ce que je te dis, il se moquerait. Il se moquerait. Pour être un homme, ça veut dire être aigri, fumer sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Ne dis à personne tout ce que je t'écris. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Je le sais.